Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Tahrimul Intikhabat, l'interdiction des élections. Un cours donné par le frère Munir Al-Maghribi Hafidhahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل كلمة أمس ووصلنا إلى المفسدة الرابعة أو الخامسة المفسدة الخامسة من مفاسد الانتخابات القتل والقتال والثورات والحروب القتل والقتال والحروب وهذا واضح هذا واضح في الانتخابات أنه بسبب عدم فوز فلان أو لبارتي فلان لا يعرف باكسي دو بوفوار قد يحصل من الثورات والانقلابات أي دي ريفولوشيون دي غير وهذا واضح ما حصل في الجزائر وفي العراق وفي كثير من البلدان ليس عنا ببعيد قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قامت هذه الثورات والانقلابات باسم الديمقراطية والحرية والمساواة فماذا استفاد منها شعوب الإسلام وهذا قبل ما حصل في بلدان المسلمين الآن هذا الكلام لقديم قبل الريفوليشن كيزون في الآن في البيي العرب فلا شك أن السبب هذه الديمقراطية la personne il se croit libre il croit que c'est lui qui choisit il fait ce qu'il veut parce qu'il n'est pas d'accord il est capable والعياذ بالله de prendre les armes et de se rebeller تحصل مفسدة كثيرة والنتيجة هي تنمم نفس الشيء ثم قال حفظه الله ولقد استفادوا منها السلب عقول وأخلاق وعقائد كثير من أبناء المسلمين أعمك هذا الفكرة البطل الديمقراطية ثم قال حفظه الله بعد هذا قال أما يكفيكم ما أريق ويراق في الجزائر والعراق أي من الدماء الشيخ ربيع حفظه الله يفعل نصيحة للمسلمين أنهم يمدّوا على ما يحدث يأخذوا درس في الجزائر بسبب الانتخابات tout ce qui s'est passé la base c'était les élections enfin ils se sont rebellés là après ça a fini avec des milliers de morts wal iyad billah ils ont rien استفد بل يوم القيامه ils auront des comptes à rendre wal iyad billah sur هذه الدماء وهذا الظلم وقال الامام مقبل ابن هادي رحمه الله فالانتخابات لا دنيا ولا اخره فماذا عملت الانتخابات بالجزائر نعم والله ما استفادوا لا دنيا ولا دين لا دنيا ولا دين بل بعض الناس ont été emprisonnés الى اخره او ils sont morts et في الاخره وعذاب الاخره اكبر اكبر فتتعجب ستموت ان هذه الانتخابات من ابليس من الشيطان انه يفرق بسببها الامه اما ماذا استفادوا لا personne il faut qu'il soit عاقل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين المسلم والمؤمن il se fait pas piquer deux fois au même endroit الان لابد la personne يستفيد depuis qu'ils ont inventé ces élections ماذا استفادت الامه الاسلاميه ماذا الا الشر على الشر من المفاسد كذلك لمس كذلك تسويه اهل الحق والعلم بأهل الباطل والجهل نعم الناس الزيركسيون لا تفرق بين صوت العالم وصوت الجاهل وصوت المؤمن وصوت الكافر فتعلمون أن من مبادئ الديمقراطية الكافرة المساواة أي كل موند Hada, il est égal à Hada. Il n'y a pas de différence par rapport au ilm à ta'aqida, c'est la même chose. Hadi, c'est une mafsada azima. لأن الناس ليسوا سواء قال عز وجل في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فالمؤمن إلي باكم الفاسق المؤمن الصالح إلي باكم الفاسق والمؤمن إلي باكم الكافر قال عز وجل لا يستوون يسوا باغي يسوا باقال أبدا وقال عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون Malakum, kayfa tahkumun? Ay, une personne qui a du ilm, il a un bon comportement, il a l'iman, il a l'amal al-salih, il a akhiré, comment tu vas le mettre égal à un mujrim? Ma yadkhul fi l'aql hada. Qala al-imam Muqbil ibn Hadi, rahimahullahu ta'ala, amma mas'alatu al-taswit. Al-taswit, ay, ijlis. Amma mas'alatu al-taswit, التصويت معروف أي لفت de voter pour فلان أو علان هذا التصويت صوت c'est une voix التصويت c'est les voix dans les élections ils appellent هكذا قال أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية فليبلغ الشاهد الغائب فإن الله إلى آخره نعم ذكر الآية فإن الله عز وجل يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وهذا حكم على الانتخابات وعلى هذا التصويت أنه طاغوت نعم لأنه يفرق با يدخل الإسلام الكفر يفرق با يدخل علم الجهل يفرق با entre الرجل الصالح والطالح ils sont tous pareils عند هؤلاء et c'est une contradiction le Coran le Karim le Coran il nous montre qu'ils ne sont pas pareils أبدا قال الشيخ مقبل كذلك والتصويت يجعل صوت العالم الفاضل وصوت الخمار واحدة صحيح أن هذا التصويت لزيلكسيون القول دان صابو القول دان سكير نفسه هذا إلى نبوة هذا إلى نبوة هذا سمين الظلم سمين الظلم حتى الكفار في الدنيا يدي الشوز سباتوا المنكبار صحيح لابد من علم لابد من كذا أما dans ces élections ils ont mis tout le monde à la même voie هذا c'est من الظلم لأن العالم يكونس ce qui connaît pas le جاهل et celui qui a la khibra في السياسة يكونس la chose que celui qui n'a pas de khibra وهكذا فانظر على الظلم هذا إلى مثل هذا فلهذا المسلم لا يرضى لنفسه أنه صفوا لكم لابد أن كافر أبدا لا يرضى لهذا لنفسه المسلم بإذن الله عز وجل إلى مكرم فلا يذل نفسه بهذه الأمور لا يذل نفسه بهذه الأمور أي تفواسكم لابد أن كافر أو دون كافرة قال بل أقبح من هذا المرأة صوتها وصوت الرجل واحد نعم يفضل ديفيرونسهم لا فوا دون فام لا فوا دون نم نفس الشيء والله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى أما لقاليتي كيز سيد أبليهم أدخلهم إلى فام لا شك أنها لباطلة المرأة في الإسلام لمكرمة معززة على دي دغوة على دي دفوة لكن il y a des choses, c'est pas min haqqiha. Comme pour l'homme, il y a des choses, c'est pas min haqqiha. Fa la femme, haqquha, an turabbi awladaha, wa ta'mal fi baytiha, ila akhir. Qala azza wa jalla, wa qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarruja al-jahiliyyati al-oula. Fa al-mar'a, elle est mu'azzaza fi l'islam. Wa la aussi le kuffar, ils essayent de faire croire annaha li madlouma ila akhir. لكن الواقع يشهد وأنت أيها المسلم لا تظن أن هذا التصويت الآن المبتدع المخترع من عند الكفار خوباك سيفنو هكذا كما نكسبك إياه هم يساف إذن قصد في هذا إذن بوت بوركوا le peuple, chacun il vote et chacun il a une voix. Eux ils ont un qasdihal, ils ont un but. Ils savent que s'ils auraient donné matalan à Ahl al-Ilm ou à Ahl al-Sunnah, matalan plus de voix et l'akhir, ils savent qu'ils n'auraient pas ce qu'ils veulent. Ta'amal, mais dites bien. كلام الإمام مقبل بن هادي رحمه الله ذكر فائدة قال أنا أسألكم أيها الإخوة الصالحون في مجتمعنا أكثر أم الفاسدون الشيخ مقبل رحمه الله يفوز une question il dit في dans notre communauté c'est quoi الأكثر الصالحون أم الفاسدون قال الفاسدون نعم الآن أهل الشر سو أكثر أهل البدع سو أكثر أهل الفساد سو أكثر فالآن النتيجة من هذا eux ils savent très bien أن أكثر الناس ils ont pas de علم أكثر الناس ils aiment le فساد ils aiment كذا فأس si dans la majorité à هؤلاء la chaque que le فساد il va l'emporter أنت ta petite voix أيها السني elle fera pas grand chose par rapport à هؤلاء قال الشيخ مقبل أمر مخطط يا إخواننا الشيخ مقبل يتمنى أن هذه الشوز elle est voulue c'est voulu هذا أن الشك إلى la même voix قال يعرفون أن الصالحين لا ينجحون في هذا ils savent très bien ils te font croire que t'es libre t'as droit de voter mais ils savent très bien que les voix de Ahl al-Haq qui sont 10, 20, 30, 100 elles feront rien par rapport à Ahl al-Fasad الشيخ مقبل الآن يتكلم بلاد المسلمين الشيخ مقبل الآن يبارل بلاد المسلمين بلاد اليمن بلاد الحكمة بلاد الإيمان يبارل ده هذا الآن أما أصحابنا هناك لا أصحابنا هناك سواضح في بلاد الكفر سواضح سيدي كفار إلى آخر فما بالك لفوا ده de 1 million, 2 millions de muslims, 3 millions. Mais ben, look, par rapport à 30 millions de kuffars, ou 40, ou 20. Mais ça t'a fait. Ils te manipulent. Ils essayent de te faire rentrer dans le système. Fan t'a vu. Voilà. قال لا ينجحون في هذا من أجل أن لا ينجح الصالحون جاءونا بالانتخابات نعم حتى يتفون خواك حق أيها السني ستشوفتون حق فوت يساف تخليك تلغى با لأنك توصل أو تين منوغيتي برابورا لا ماجوريتي دو أهل الفساد والفسق هذا ففي الحقيقة يدن با تون حق أبدا تون حق إلي في قال الله قال الرسول تون حق إلي في منهج السلف أما تنظيمات الكفار والغرب فسد الظلم ظلم وعدوان قال فينبغي قال الشيخ مقبل فينبغي أن نكفر بهذا التصويت إلى آخر ونبتعد عن هذه الانتخابات والله تعالى سيجعل بأسهم بينهم فصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم أي هؤلاء الكفرة الذين جاءوا بهذه المصيبة من المفاسد كذلك وهي السادسة أو السابعة السابعة صح؟ نعم أنا جي ديكالي واحدة تولية من ليس بأهل أي أن بسبب هذه الانتخابات quelqu'un, une personne, elle peut prendre le pouvoir et elle n'a pas le haq. Elle n'est pas ahl, elle n'a pas la capacité. Ou elle ne mérite pas. لأن c'est la majorité. Celui qui remporte les voix, il passe au pouvoir. ولو c'est un jahil, ولو c'est un kafir, ولو. هذه c'est une مفسدة عظيمة. لأن الإسلام القرآن والسنة ينو مونتخ أن celui qui prend le حكم c'est الأصلح et c'est celui qui a du علم celui qui a القدرة أما si on ouvre ce باب à n'importe qui فالبلاد والعباد يفسدون والعياذ بالله مثلا المرأة La femme, elle n'a pas le haq fi had. Elle n'a pas le haq de prendre, de diriger un pays. Elle n'a pas le haq. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى. نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسرى أي مالك فارس أي البرس. Dès qu'Isra est mort, ils l'ont remplacé par sa fille. Al-An, c'est une fille, une femme qui a pris le hukm. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Allah, ou le Rasul صلى الله عليه وسلم, بينا أنهم لا يفلحون. لا يفلحون. لا يجوز. أنت un مسلم. أن تتهم ton prophète عليه الصلاة والسلام. Ton prophète صلى الله عليه وسلم, il te montre. ولا تقتل الكفار. Ils essayent de te faire croire أنه c'est une injustice pour la femme. أبدا. بل c'est عين العدل. أن la femme, elle est ضعيفة. C'est une مسكينة. لا تستطيع. Il y a des hommes, c'est des مساكين ويستطيعون. ما بالك امرأة. ما بالك امرأة. Et si on fait هذا الباب, les femmes, elles rentrent dans la politique et l'akhiré, فتختلط الأمور. Qui c'est qui élève les enfants? Qui c'est qui gada? C'est ce qui se passe là عند الغرب وعند كثير من المسلمين. كذلك الكافر. كذلك الكافر لا يجوز له. لا يجوز له أن يحكم بلاد مسلم. لا يجوز له. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز. المسلم يحكم بغى مسلم. نقل ابن عبد البر أو ابن المنذر, نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله الإجماع أن الكافر لا يحكم بلاد مسلم. قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال, أي بحال من الأحوال. هذا الإجماع أن الكافر il peut pas prendre le pouvoir sur le musulman. لا يجوز هذا. قد يقول قائل ceux qui vivent في بلاد الكفر, ceux qui vivent في بلاد الكفر أصلا لا يجوز لهم الإقامة أصلا لحرام. أصلا الإقامة في بلاد الكفر لحرام. هذا سنموضح الآن la gravité de ceux qui votent في بلاد الكفر. في بلاد المسلم c'est grave, toutes les mafasides qu'on a vu. في بلاد الكفر c'est أكثر لأن الاغترار il est أكثر. Comment أيها المسلم, une petite minorité et whom ils détestent, ils vont te laisser le pouvoir ou ils vont faire des lois qui arrangent ton dîn. أبدا هذا أبدا. سئلت اللجنة الدائمة وفقها الله هل يجوز لمسلم أن يصوت لكافر؟ هل يجوز مسلم يفوت بوان كافر؟ الجواب لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار لأن في ذلك رفع لهم أو لأن في ذلك رفعة لهم وإغرار لشأنهم. فلا يجوز. صحيح. كل لاب tu lui donnes ta voix, un tap t'élève ce kafir l'an. Il y a juste là. Le kafir il est madloul. Le kafir il est mal'oun. Comment est-ce que tu es un muslim? Allah subhanahu wa ta'ala il t'akram bi hada d'din. Il t'a donné cette ni'ma et t'élève hada le mabghout. لا يجوز لك. لسل مدلول إلى ذليل. إلى ذليل. Place ta confiance en Allah سبحانه وتعالى. Mais ce kafir, والله, il t'apporte ni à toi ni à lui-même. أبدا. حقيقة الكلام هذا كثير. Il y a des choses من كلام العلماء في بلاد المسلمين. أما بلاد الكفار c'est واضح. بلاد الكفار c'est واضح. أصلا الإقامة لا تجوز. اصلا انا فدي دروس في الهجره كثير. اصلا الاقامه لا تجوز. ما بالك اقامه بلس سي مخالفات. انت اصلا tu dois pas rester dans ce pays. فكيف tu vas choisir le hakam de ce pays? Si tu as des problèmes dans ton din, il y en a بعض الناس كما سياتي في الشبهات انهم يديز لا je vote comme ça nous facilite kada kada. Si tu veux te faciliter, change de pays. Limada tu choisis cette solution alors que Allah subhanahu wa ta'ala et Rasoul nous ont donné la solution في القران. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. فترى solution في القران. Limada tu cherches une autre خاصه avec ces mafasid, c'est un kafir. il combat l'islam. Ça vient de la démocratie. Il y a les photos, il y a Kana, il y a de la mixité. Mais les mada, tu rentres fi hada. Les mada. من المخالفات كذلك والمفاسد وهي الثامنة والأخيرة مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم تسكن في الأنس مخالفة السنة لا أحد يستطيع أن ينكر هذا تسكن في الأنس contredit la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام بل Les élections, le fait de se présenter, une personne il se présente pour avoir le choix, c'est une mukhalafa azima. Lian le Nabi sallam il a interdit ça. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي البروفيت صلى الله عليه وسلم يبقى كونسي عبد الرحمن ابن سمرة الصحابي البروفيت صلى الله عليه وسلم يبقى يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة انظر Ça c'est un nas. Nas de Nabi sallam. On n'a pas le droit de demander le pouvoir. Les élections, hein, c'est basé sur une demande. Il y a des candidats, ils demandent. Ben c'est pas ils demandent, ils font des sacrifices, des campagnes, tout ils font pour avoir une voix. C'est pas mujarrad su'al huwa, la huwa c'est ilhah. Et il ment. Et il trompe. Et il fait des ma'asi pour avoir cette imara, pour avoir des voix. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la tas'al al-imara. T'as pas le droit. Qala, fa'in u'titaha an mas'alatin wukilta ilayha. Et si tu la demandes, si tu fais la demande pour la voix, Allah subhanahu wa ta'ala il te laissera. Tu vas être seul, tu n'auras pas de tawfiq. Et tu trouveras ce hukm, il n'y aura pas de baraka. C'est ce qui se passe là. Qala, wa in u'tita an ghayri mas'ala, u'inta 'alayha. Par contre, si tu deviens amir, sans que tu n'aies rien demandé, mitl Uthman, mitl Omar, mitl Abu Bakr, radiyallahu anhum, ils n'ont pas demandé eux. Ils ont été désignés. Ha'oula, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite. Et il met de la baraka dans leur hukm. Fa'andar. انظر الآن التنظيم الانتخابي شريعة الإسلام شريعة الإسلام أيها المسلم فتوت لكوز بوك الله تاد التوفيق البركة التنظيم الغربي فتوت لكوز والعياذ بالله فوقتقاغي الآن Si on a compris ça, la yajouz fait d'une personne à la hada. Le Nabi sallam, il a interdit cette chose. La yajouz en tatulad. Le Nabi sallam, il a dit, la tas al-imara. T'as pas le droit de demander le pouvoir. Si un le demande, t'as pas le droit de l'aider. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithm wa al-udwan. T'as pas le droit de ta'awan. Bel, la bu yunsa. Si c'est un muslim, il accepte, il accepte, yunsa. Taqillah. اتق الله لا لا تدخل في هذا لا تدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا انتقد هذا خاصة avec toutes les mafasid qu'on a cité وافاد الامام ابن حجر رحمه الله قال في الفتح فتح الباري عند شرح الحديث قال قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك انتبه شو كلام ابن المهلب ينقل عنه ابن حجر رحمه الله ابن حجر il est venu après شيخ الإسلام ابن تيمية il y a des siècles ça n'existe pas la démocratie les votes il a fait لكن avec ce hadith il a compris et il a déduit que le fait de demander الحرص على الولاية الحرص c'est le fait de demander بشدة et il veut à tout prix avoir le pouvoir comme ils font هؤلاء السياسيون ils veulent à tout prix ils ont des campagnes de l'argent des années préparent pour avoir le pouvoir ابن الملاحب او الملاحب رحمه الله اتمنى C'est ça la cause que les gens ils s'entretuent. Un fait le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que tu vois, min Tawrat, fi bilad al-Muslimin, ils s'entretuent. Wallah, c'est que pour le Kursi. Wallah, c'est pas pour le din. C'est pas pour le din. Si tu veux le din, tu peux faire ton din. Lakin, c'est pas pour ça. Wallah, c'est pour le Kursi. Et le Shah Masakin, ils sont manipulés. C'est pour le pouvoir. Hasal al-Fasad. Hasal al-Fasad. Lihada. Lihada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit hada. يا عبد الرحمن بن سامورة لا تسأل الإمارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est مؤيد بالوحي et il sait que c'est un باب شر et l'an on est dedans et la chose qu'a ouvert ce باب c'est l'intikhabat الانتخابات ils ont ouvert ce باب فساد جدا على الأمة والله المستعان الآن ننتقل إلى الشبهات ننتقل إلى الشبهات الآن toutes ces mafasides, tous ces méfaits, toutes ces contradictions au din qu'on a vu, on en a vu 9 ou 8, il y a des autres, on a pris l'essentiel. Kadalika al-taswir, les candidats ils se prennent en photo, il a akhiré, al-an, là bout d'une campagne, là bout, il y a des photos, là bout. Imma, elles sont affichées, imma, elles sont prises. Anta, si tu votes là, t'aslam. Et c'est une musiba. Achatou nas, adam, yom qiyam al-musawwiroun. Et plein d'autres mafasides. Nous, on a essayé de citer, yani l'essentiel. Al-an, بعض الناس, malgré tout ça, ils ont des choubas. Et en fait, avoir une choubha, c'est pas un aïb. Qu'est-ce qu'il se passe ? La personne, il est faible. On n'a pas beaucoup d'ilm. Il a akhiré. Lakin al-aïb, c'est qu'il a cette choubha et il n'essaie pas de chercher le haq. Amma choubha, elle vient. Lakin, tu n'as pas le droit de la suivre. Tu dois repousser cette choubha. Tu dois repousser. Amma ittiba al-choubha, c'est min tariqat ahl al-zayr wa al-dhalal. كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه بوركوا ابتغاء الفتنة في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ينمط أن ceux qui suivent les شبهات c'est أهل الزيغ ça te montre que tu peux avoir une شبهة لكن tu la repousses في هذا طيب أحسنت ça arrive une شبهة لكن tu repousses أما la suivre et délaisser les أدلة ça c'est طريقة أهل الضلال فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إلى غسي تزفرسة ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشوفوا أي شخص يسفر ses شبهة ils ne veulent pas revenir au haq فاحذروهم c'est une mise en garde attention à la shubha et attention à sahib al-shubha tu fais attention pour préserver ton din وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات خفت صلى الله عليه وسلم نموت خلنا الحلال سي واضح مثل الشورى الإسلامية مثل أمير يصفر بلاسي par un autre أمير يديني أمير ça c'est حلال واضح مشروع بين والحرام بين في الحقيقة الانتخابات نحن نلمد الحرام الواضح وبينهما أمور مشتبهات لكن قد يحصل بعض الناس يزن شبهة النبي صلى الله عليه وسلم يتعطينا لا سلسون فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه celui qui s'écarte de Shubha il va préserver son honneur et son din Wallahi si tu tombes dans les intikhabat et tu votes tu fais du mal à ton honneur عند أهل الصلاح ils vont dire انظر هذا انظر خاصة si tu votes pour un kafir ils vont dire انظر هذا un muslim il va et il se rabaisse devant un kafir كذلك ton din s'il y a des photos il y a de la mixité si le gouverneur il juge par autre que les lois d'Allah tu fais du mal à ton din si tu t'écartes de Shubha بإذن الله tu préserveras ton honneur et ton din et ça ne fera aucun mal le fait de délaisser l'intikhabat أبدا بل والله c'est un خير pour toi وقال عيسى السلام ومن اتقى الشبهات استبرى لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام celui qui tombe dans les شبه في الحقيقة il est tombé dans le haram لأن il a pas fait cette chose اتباعا للحق لا il a fait cette chose لأن il a un doute ça peut être haq, ça peut être batil le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré annahu c'est du haram ou il va tomber dans le haram prends l'exemple des images des photos tu vas aller voter qu'est-ce que tu m'as fait ça il y a des affiches partout des candidats Ou tu peux trouver un farigh, il filme. Enfin, si tu es là-bas, il y a beaucoup de ma'asi et de munkarat. Est-ce que tu auras la force d'enlever tout ça? Attaquille, reste chez toi, ahsan lak. Enlève les photos qu'il y a chez toi, comme tu verras inda dans les bureaux de vote. Mais la shubhat nadkur. La shubha, c'est l'ambiguïté. Ça ressemble au haq et c'est pas du haq. C'est ça une shubha. Famine la shubha. عند القوم قياس الانتخابات على الشورى. Ça c'est une shubha. Il te dit anna as-sahaba, ils ont voté pour Uthman. Nous on a vu au début du dars hier, on a expliqué c'est quoi shura. Al-an huwa il fait le qiyas. Et il compare les élections avec Shura. Il dit c'est pareil. Ah là, wallah, c'est du zolm. C'est du zolm, les anas, c'est pas pareil. Abadan. Min al-fouq, on cite les différences et ça va être un rat sur cette Shubha. Awalan, al-intikhabat, ça vient min al-gharb, min ind al-kuffar. Hier, on a cité l'historique. Ça vient de la démocratie. Amma Shura, fa. Elle vient min al-kitab wa min al-sunnah shawirhum fil amr wa min al-sunnah wa min a'mal al-salaf al-salih al-sahaba ridwan Allah alayhim. Al-shura vient min al-islam. Amma al-intikhabat elle vient min inda al-kuffar. Fakayf tu compares hada wa hada? Comment tu compares l'iman avec le kuffar? La deuxième différence anna al-nizam al-intikhabi الغربي يعتمد على الأغلبية. Les élections, c'est fondé sur la majorité. Ce qu'ils appellent un suffrage, il y a un vote, et celui qui l'emporte, c'est la majorité. C'est ça, التنظيم الانتخاب. هذا personne peut le renier. أما الشورى لا. C'est pas la majorité, abadan. Les Anna, Omar, dès qu'il a désigné les 6, il y a des milliers d'autres compagnons. Il y a des milliers d'autres musulmans. Il en a choisi 6 faqat. Enfin, Omar, il a regardé le ilm et la piété. Al-intikhaba, il regarde pas le ilm et la piété, il regarde la majorité. Hada, c'est un faqa adim. Enfin, comment, ayyuhal muslim, tu peux comparer ou t'imaginer que hada, c'est comme hada? Abadan. Abadan. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أو سئل وفقه الله السؤال التالي قال السائل ألا تدل مبايعة للشورى لعثمان على صحة الانتخابات. Ils ont posé une question à Cheikh Fawzan. Est-ce que le fait qu'ils ont choisi Uthman, ça ne montre pas que les élections choisir une personne y est juste? Shubha. Al-Sa'il, peut-être qu'il ne sait pas. Voilà, chaque s'il pose la question, c'est qu'il ne sait pas. Wa hakada. Tastafid min hada. Al-Su'al yin fa'ida. Anna cite un Shubha, demande. Crois pas que c'est haq, t'as raison, tu jadil fiha, personne doit t'encore. Là, demande. Ya Shir, est-ce que kada c'est haq? Il va te répondre. Qala Shir al-Bouza. Intikhabat min ahli al-hal wal-aqd, na'am. Shir al-Bouza, l'année du monde, choisir. انتخابات اي هنا اي من حيث اللغه لفت الشوازير من اهل الحل والعقد اي دي بيرسون دي علماء دي بيرسون كومبيتونت دي بيرسون دي بيتي اي شوازيس نعم كوم ايزون فا افيك عثمان. قال اما او قال ما هي من الغوغاء والعامه وشراء الاصوات والفوضى لا هذه ما هي من الاسلام. ثم il va montrer en les élections en qui font ان العوام العصا des pêcheurs des kuffars dans certains bilad il y a de la corruption كذلك هذا مثلا il achète des voix هذا il achète كذا هذا فلان il est corrompu l'akhir قال شوف وزن هذه ليست من الاسلام ابدا الاسلام سبب il est restreint اهل الحل والعقد c'est eux qui choisissent. L'intikhabat c'est ouvert, celui qui veut il vote. L'essentiel tu fais une demande de papier hadi, carte de vote ou là, et tu vas. Faqat. La yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun abadan. Wa qala al-imam muhaddith al-asr الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال مجلس الشورى لا يشترك فيه كل مسلم. الشورى on a traduit hier par la consultation, c'est pas chaque musulman qui parle. Abadan. Abadan. Pas tout le monde, j'ai un avis. Là, on ne met pas Foulan. Là, là. Là. Ceux qui parlent, ceux qui parlent, qui donnent leur avis, c'est khassat al-umma. Aïe, l'ulama. أهل العلم والخبراء سكيزون خبرة في هذا العقلاء من مشايخ القبائل إلى آخره هؤلاء نعم هؤلاء نعم سي إزوان أبي إلى آخره لا بس يتشاورون يرجع أن أنهم يصاب مصلحة الأمة أما سودان ساء دي سولا دي دلانكون دي هؤلاء لا يعرفون مصلحة الأمة يبالي يبافوتي هكذا والله بعض الناس يفوت pour ceux qui détestent exprès معروف c'est ça dès que tu ouvres le bab à des majanin amma ça reste l'uqala lui il voit maslahat l'umma amma tu donnes à des jeunes à des femmes à des ignorants il a créé maslahat l'umma il y aura des mafasid kathira qala الشيخ الألباني وهم علماؤنا وفضلاؤنا أما البرلمان le parlement أي les élections الآن قال فيشترك فيه من هب ودب من المسلمين بل من المشركين ومن الملحدين الآن le bureau de vote c'est pas spécifié pour un musulman ou là tout le monde il regarde pas ta religion لا ينبغي للمسلم يختلط مع هؤلاء هذه الشبهة في الحقيقة لهزيلة لهزيلة cette shubha comparer shura avec les intikhabat c'est ba'id hadi bi'idhnillah la mafhouma on résume la shubha ay compare shura la consultation fi l'islam avec les élections on a dit awalan les élections ça vient min 'inda al-kuffar deuxièmement les élections c'est la majorité qui l'emporte amma shura la c'est ahl al-'ilm ils choisissent et ils regardent la maslaha fa shattan bayn hada wa hada la deuxième shubha c'est une shubha كذلك ba'ida hiya anna الدخول في الانتخابات من باب الضرورة أن الدخول في الانتخابات أي أنا je veux voter pour فلان لأن c'est une ضرورة c'est une nécessité لا بد je vote si je vote pas il y aura كذا كذا كذا هذه عند أهل العلم c'est une شبهة لبعيدة خاصة si tu as compris les mafasid أولا tu dois savoir c'est quoi une ضرورة ثانيا tu dois savoir c'est quoi les شروط Troisièmement, compare l'intikhabat avec ce que tu as compris et tu verras. فمثلاً الضرورة والمضطر قال الشيخ مقبل رحمه الله المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يحتمله. فساء المضطر. المضطر c'est une personne qui ne fait pas la chose قد يتلف. Il peut mourir, il peut tomber malade, il peut périr, il peut kada. Maintenant, une personne, il n'a plus d'eau. Ou il n'a plus de quoi manger. S'il ne mange pas maintenant, il trouve une bête morte, s'il ne la mange pas, kadiamout. Ou il peut tomber dans le coma, il a arrêté son cas, il s'aggrave. Hada na'am, il est muttar. Al-an, billah alaykum, il est où l'ittirar fil intikhabat ? Tu ne votes pas, tu vas mourir. Tu vas tomber malade, ma échfi. Abadan. Abadan. Vote ou vote pas, ça sera la même chose. Yani, min haïs le changement, il n'y aura pas de changement. Amanta, tu te feras du mal. Al-an, si tu as compris d'arura, i'lam, anna d'arura, labud min shartay. Aïe, si tu as mal, et tu veux le repousser, et tu n'as qu'un haram. On donne l'exemple, une personne, il n'a plus de quoi manger. Et il trouve une bête morte. La bête morte, elle est haram. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ Al-an, pour qui mange cette bête morte, il faut deux conditions. Et nous, on appliquera ça sur l'intikhaba. Al-oula, qala al-shart al-awwal. Hada min kalam al-imam al-Uthaymin, rahimahullah. Qala al-shirb al-Uthaymin, al-mamnu' yubah lil-zaroura, walakin bi-sharti. Ça, c'est une qaïda. Anna al-zaroura tubih al-mahzourat. Aïe, si t'as pas le choix, t'as le droit de faire le haram. Ce qu'on appelle la daroura. Lakin, avec deux choses. Il y en a beaucoup de gens qui t'ouassent sur ça. Alors, chaque chose, ils disent daroura. La jam'iyya daroura, l'intikhabat daroura, le tahazzub daroura. Tout ça, c'est kalam farigh. لأن لابد من تحقيق هذين الشرطين الشرط الأول أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه بمعنى أن لا نجد شيئا يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم ça c'est la première chose c'est que tu repousses ce mal ce darar pour le repousser t'as que cette chose de haram مثلا une personne il va mourir de faim ils ne trouvent pas de quoi manger illa khanzir, du porc ou une bête morte. S'il ne trouve rien, et il peut périr, il a le droit de manger. Il a le droit de manger pour sauver son œuf. Il y a 12 là. Ce n'est pas haram pour lui. Alors, s'il y a une bête morte et à côté, il trouve des aliments halal. Là, il y a 12, il touche la bête morte. Là, il y a 12. Il trouve une bête morte et il trouve des fruits, kada, kada. Là, il y a 12 là. S'il touche la bête morte, il tombe dans le haram. Il est obligé de manger le halal. Alors, les élections. أولاً c'est pas une darura. أولاً لأن ici مثلاً نحن on vote pas. الحمد لله. Il y a plein de frères dans en France ou autre, ils votent pas. الحمد لله, ils se portent bien. من باب الجدل مع هؤلاء, si on dit c'est une darura, est-ce que pour enlever ce mal, مثلاً on va prendre en France, Bardana c'est des darura, si tu votes pas, ils combattent le din, tu ne peux plus appliquer ton din, ils te mettent la mashaqqa dans ton din, des difficultés. Al-An, est-ce qu'il n'y a que les élections pour enlever ce char? Abadan. On va donner une solution. On va donner une solution. Al-Hidra. Al-Hidra. S'ils te font du mal, ils ne veulent pas laisser appliquer ton din, quitte le pays, et bien, idnillah, va dans les pays musulmans, tu n'auras plus de mal. Falima, va tu te laisser cette solution. Mashrou'a. Et tu vas vers des choubah. Man waqa'a fi choubahat waqa'a fi haram. Ça, c'est le premier short. Le deuxième short. قال أن تندفع الضرورة به فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم وإن شككنا على هل تندفع أو لا فإنه يبقى أيضا على التحريم. Deuxième condition, c'est que t'es sûr, si tu fais haram, la darura elle s'enlève. مثلا une personne va mourir de faim, il trouve une bête morte, la chaque que celui qui mange de cette bête morte, la chaque que ça va lui être utile. Il y en a, c'est de la nourriture, c'est de la viande, il a acheté la chaque, même si elle est morte, ça va lui être utile. Si il y a, s'il trouve que ça, il y a juste, il mange. Al-An, il va mourir de faim, il trouve de l'acide. Il dit, c'est bon, normalement ça va être bon. C'est un liquide, peut-être ça va me remplir l'estomac, je vais m'en sortir. Fiadelhal, on lui dit là. On lui dit là. L'acide, elle va te rajouter des varal à la varal. Fiadelhal, t'as pas le droit. Eshbir, si tu meurs, t'avais pas le choix. Al-An, on revient à l'intikhabat. On revient à l'intikhabat. Si on dit que c'est une daroura, on sait que c'est pas une daroura, mais pour comprendre cette chouba, on dit que c'est une daroura. Est-ce que le fait que tu vas, ça va t'enlever de darar? Abadan. Abadan. Il y en a quatre choses. En trois choses, on va citer. Awalan, t'es pas sûr. Al-Muntakhib, il n'est pas mutayakkin anna fulan sayafouz. Maintenant, on dit en France, il dit daroura. Je veux voter pour fulan, les anna, il ne va pas interdire le hijab, il a akhir. On lui dit, awalan, tu n'es pas sûr qu'il va gagner. Peut-être que tu vas aller voter, tu as fait toutes les ma'asi, et il ne va pas gagner. Qui c'est qui t'a dit qu'il allait gagner? Est-ce que tu as un ahd qui va gagner? Tu as un doute. Enfin, tu n'as pas le droit de faire un haram pour un doute. Ça, c'est une règle de l'islam. Tu n'as pas le droit de faire un haram pour un doute. قال الشيخ العثيمين قال المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الضرورة به مشكوك فيه. قال ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه. Ça c'est une règle. T'as pas le droit de faire un haram واضح مثلا les élections pour soi-disant une maslaha, une utilité, t'es pas sûr. Est-ce qu'il va passer? Amla. Peut-être que tu vas voter, il va pas passer. Ton vote, le haram, il était d'aucune utilité. Fiad al-Hal, t'as pas le droit. Deuxièmement, قال أو deuxièmement, نعم إذا فاز فلان قدر الله t'a voté, il a gagné, t'es pas sûr que ce qu'il a dit va le faire. Il y en a كثير منهم c'est des كذبة. Peut-être il t'a promis كذا كذا كذا, comme ils font les politiciens, معروف, ils promettent كذا كذا, ils passent au pouvoir, ils font rien, t'as fait le haram et t'as pas eu ce que tu voulais. لا يجوز, لا يجوز, il y en a, t'es pas sûr qu'il va appliquer cette chose. Troisièmement, si قدر الله on rentre dans son raisonnement, Anahu, il va élire Fulan, il va faire du bien, il a akhiré. On lui dit, Anna, quelques années après des autres élections, peut-être qu'un mufsid reprend, les mufsadal reviennent. تتعب نفسك فقط تتفاتيك لأن السيستم إلي هكذا هكذا si même il passe et il fait le bien يعني qui prétend pour l'islam les autres élections ils viennent le font tomber à notre mufti du revient tout le travail que t'as fait تعبتك تعبت هذا من باب الجدال فقط اما اصلا سبحان ضروره اصلا ايفل غيان بور الاسلام والله يفضل الاسلام يصاف طريق الاسلام سكو لكن ايفل باهم ايفل با تتعجب واحد الى حسن الظن اي كرو que Fulan il va faire des choses pour l'islam alors qu'il combat l'islam laïl nahar il se moque du prophète alayhi sallam salam ta'lamouna anna les politiciens dès que il y a eu l'histoire des caricatures du prophète ils se sont moqués de l'akhir katir minhum ils ont dit il est libre et il est d'accord ou pas un musulman il peut pas dire ça il y en a il aime le prophète sallam ba'd an-nas ils ont dit là il est libre il est libre il a le droit de faire kada kada kada kif anta ya al-muslim tu vas et tu donnes ta voix pour ce khabith an-najis Comment tu lui donnes ta voix Wallah, واحد là où il se moque de ton père, tu vas le détester à vie. Ok, il faut le rassurer sur le sallam et ça ne fait pas bouger ton iman. Hali, c'est un choubha li hazi là. Kadalik, Anna, comment كيف ترتكب مثل مفاسد كنا دوني من الشرك بالله عز وجل إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لي 8 مفاسد كنا دوني كما تفا فيغ ستو مفسدة pour vouloir quelque chose من الدنيا ah ils me font un peu de mal dans mon dîn dans ma dunya je fais toutes ces mafasides pour cette petite maslaha بأي عقل هذا ما لكم كيف تحكمون كيف هذا مثلا on va donner l'exemple pour le hijab tu vas risquer de tomber dans le shirk tu vas rentrer dans ce système kafir intikhabi démocrati peut-être qatl wa qital peut-être kada des photos tout ça pour mas'alat le hijab qui c'est qui t'a imposé خاصةً c'est une autre solution on te dit maintenant نحن, tu veux que ta femme ta fille mette le hijab fais le hijra dans un pays musulman انتهى فانظر الشيطان comment il travaille بعض الناس et انظر الشبهات عند أهل العلم c'est واضح dès que tu fais avec les adillah avec la parole de savon c'est clair والله بعض الناس ces شبهات sont مثل الجبال فوق رأسه c'est comme une montagne là sur les épaules là il ne sait plus comment faire العلم والله le temps que tu perds l'intikhabat الجدال on va voter pour فلان اطلب العلم للقرآن للقرآن للتفسير للسنة et tu verras que tu avanceras dans ton dîme قال الشيخ ربيع حفظه الله ونحن نطالب عبد الرحمن أي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عبد الخالق المنحرف إخواني il a prétendu il est rentré في الانتخابات il a prétendu qu'il y avait un profit pour la communauté الشيخ ربيع رد عليه قال ونحن نطالب عبد الرحمن بالمصالح العظيمة الراجعة على هذه المفاسد الشيخ ربيع il lui a cité les مفاسد أي qu'on a cité et il lui a dit montre-moi la mafsada qui remporte sur ces la maslaha qui remporte sur cette mafsada montre-moi le bien qui remporte sur ce mal montre aynahu abadan ça c'est un kalam farig c'est هؤلاء sont وراء الدنيا فقط il veut un poste et il pense à هذا فقط et il يتكلم بهذا الكلام قال الشيخ ربيع فالمصلحه التي او قبل هذا نعم قال ثم ان الداخل معهم لا يستطيع تغيير شيء او اصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه صحيح الشيخ ربيع في النصيحة هذا يقول rentrer dans la politique même si tu rentres si t'es élu إلى آخره ils te laisseront pas tu vas venir du jour au lendemain الشريعة الإسلامية أبدا ils te laisseront pas إما ils vont te rejeter إما ربما ils te tuent إما هذه الأمور فيتعب فقط يتعب et كثير من الناس ils sont rentrés dans les élections pour faire du changement c'est eux qui ont changé تعلمون هذا والله بعد الناس ينتسبون إلى السنة dans des pays musulmans en Égypte au Yémen إلى آخره ils sont rentrés les انتخابات au départ c'était قريب من السنة tu le trouves avec son camis لحية المساجد دروس إلى آخره والله ils rentrent dans les انتخابات ils ont fini en costume rasé إلى آخره il a voulu faire du changement c'est lui qui a changé لأن pour rentrer dans ce système t'es obligé de t'adapter أما تقول كل من فاسد أبتاع توا النبي صلى الله عليه وسلم إليه تأبلج تفعل الهجرة pour faire le changement à Mecca il était obligé tout le monde a fait le changement à Mecca amma fi al-wasat tu auras du mal jiddan fama baluk nahnu on a donné l'exemple de bilal muslimin ma baluk fi bilal kufr ils sont 10 s'ils veulent changer la France ah ou là ils vivent dans le khayal الشبهة الثالثة والأخيرة هي وفي الحقيقة سأعظم الشبهة في هذا الباب وهي أن بعض الناس يقولون أن العالم الفلاني أفتى بالجواز الشيخ فلان الذي يجوز الشيخ فلان الذي يجوز سبيت عالم من علماء السنة إلى فئن فتوى بعض الناس يستكخش الفتوى كأنها تنزيل من رب العالمين وهذا لا يجوز هذا لا يجوز نحن نسيتي توتس مفاسد بوك أنت avec les paroles de savants qu'on a cité أنت تغيب à sortir de ce خلاف أما malgré tout ça malgré les أدلة malgré les مفاسد الشيخ فلان il a dit tu t'accroches là mais الشيخ فلان il a dit c'est pas ça de dire C'est pas ça de dire. Le dîn, c'est قال الله, قال الرسول, قال السلف الصالح. Avec l'explication des savants, n'aim. Amma, tu prends la faute d'un savant, c'est pas ça de dire. قال l'imam Ahmed, رحمه الله. قال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. صحيح سئتنا الإمام أحمد إلى دي أنا جميتا أن قومي كنس لأدلة الحديث وصحته كنس لطوديسيتي دي أحاديث مالغي سا يذهبون إلى رأي سفيان الإمام سفيان الثوري انظر الكلام الإمام أحمد سبط طعن في سفيان أبدا لأن مام سفيان لويمام لا يرضى بهذا لا يرضى بهذا لكن الطعن إلى في أصحاب الشبهات أصحاب الشبهات إسي هو إلى غير فاد ريبون لكن pour te bloquer maintenant si tu n'accroches avec lui sur les élections tu lui montres قال الله قال الرسول tu lui cites toutes les مفسدة قال شيخ محمد أمان قال شيخ مقبل قال شيخ ربيع قال شيخ يحيى قال شيخ فلان tu lui cites tout ça tu lui réponds aux شبهات والله أقسم بالله qu'il pourra pas te répondre خاصة الجاهل أبدا il pourra pas te répondre il va إما إلى أكسب الحق إما إذا على بسبب تفاصيل تكوني با ميوك شيخ فلان انظر الشيطان نحن اللي جيت تكوني با ميوك الله كالرسول العلماء كذلك كمون في كمون في انتم ظل اعتزال المنزلة بين منزلتين أو ماذا لا يجوز هذا لا يجوز فباش هو كلام العلماء والله نحب العلماء ونام العلماء طول تخواي كون فيه إلا نستفيد من كلام العلماء لكن الحق سالحق العلماء أمم نزوها بخي هكذا لكن بعض الناس إذا بطلب العلم Ils n'ont pas de l'abîme, lakin il défend son avis à lui. Dès que tu veux défendre ton avis à toi, tu vas te faire du mal. Un, il va te contredire, tu vas tout faire pour protéger ton avis. Protège pas ton avis, protège le haq. Protège le haq si tu veux, le haq. Qala, Ibn Abbas, saha, ou sabata an Ibn Abbas, marfouan, radiyallahu anhuma, qal, laysa ahadun. أي هذا مرفوع أي النبي صلى الله عليه وسلم كبار ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع ثابت رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير إلى حسن إلى حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يتموت خلنا tu peux accepter la parole أو rejeter la parole de tout le monde sauf le prophète صلى الله عليه وسلم أما عالم on peut accepter أو rejeter on accepte s'il est à la dalil s'il خالف le dalil et on trouve Un autre savant, quand on est le haq, on prend le kalam de l'autre savant qui est fondé sur les adillah. C'est ça, dit l'islam, c'est ça le manhaj al-salafi. Allah tata'adjab, on critique nahnu al-muta'assiba min al-madahib, kathira. Et bihaq. بعض الناس العوام يتعصبون لمن مالك tout ce que tu lui cites il dit là l'imam Malik il a fait tu trouves un ikhwanina salaviyin wallah il a la même tariqa ya akhi taqilla kada kada non mais le sheikh fulan il a dit tu crois que l'imam Malik c'est pas un imam wallah c'est un imam de sunna imam dar al-hijra rare un alam il a eu le ilm de l'imam Malik avant lui rare wallah illa min ashab rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imam de salaf min aqrani ou min qabla amma rare il y a eu un homme mitl l'imam Malik fil ilm كيف؟ On reproche au Awam de تعصب الإمام مالك. Pourquoi nous on fait la même chose avec Sheikh Fulan؟ لا يجوز لنا. العدل. Il faut être juste. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله والقول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. صحيح. Ça c'est une règle يا جماعة. أن القول لا يصح لفضل قائله. أي le حق c'est pas pour rapport à la personne. مثلا un grand imam Sheikh الإسلام vu qu'il a un فضل tout ce qu'il dit c'est حق لا. لا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب إبليس اللعين المنعول الملعون الكافر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, باب العد, il a dit sadaqa, sadaqaka. Dès qu'il a dit à Abu Huraira, récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Ça ne veut pas dire que la personne, un mubtadi' maintenant, à peine il parle, c'est mensonge. Il peut dire haq. Un imam sunnah, min a'immat sunnah, il peut dire une chose, il se trompe. On n'a pas le droit de dire c'est haq. On dit, il s'est trompé. Si c'est un alim sunnah, on le respecte et on l'aime fillah. Et cette erreur, elle ne fait pas, descendre son qadr. Abadan. Abadan. Belle cette erreur, c'est, il n'est pas ma'asoum. Mais celui qui ne se trompe pas, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de mettre un alim à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله الآن زين فائدة هذا زين فائدة tu vas savoir pourquoi بعض الناس ils n'arrivent pas à trouver le haq. صحيح, tu peux te demander لماذا فلان il n'arrive pas à comprendre le haq. ابن القيم يقول ثم il a cité كلام كثير ثم قال ثم لإحسان الظن بهم il a cité كلام أن بعض العلماء ils se trompent. ولا شك chaque عالم tu trouveras une erreur, deux erreurs, trois erreurs. فبعض الناس قال لإحسان الظن بهم قد وقد وقفوا عند أقوالهم. نعم بعض الناس يبخنس أقوال. يدي مثلا الشيخ فلان إلى دي كذا كذا كذا. مثلا dans les élections. Il va dire الشيخ بن باز il a fait une fatwa. الشيخ بن عثيمين il a fait une fatwa. الشيخ الألباني il a fait une fatwa pour الجزائر. Et il va citer مثل هذا. اسمع كلام الإمام ابن القيم. قال ولم يتجاوزها فصارت حجابا لهم وأي حجاب. نعم الآن cette fatwa c'est devenu un hijab pour lui, il ne peut plus voir autre. لأن il s'entête. مثلا il enlèverait التعصب, il dirait un savant il peut se tromper. الآن la mas'ala y a un khilaf. Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres savants? C'est quoi leur adilla? Tu lui montres les mafasid, la shak qui sera convaincu. La shak. لأن الحق il n'est pas forcément avec fulan. الحق c'est قال الله قال الرسول. Celui qui vient avec قول الله وقول الرسول فلا شك ça sera lui qui aura le haq. On avait vu nous cette mas'ala en détail مع بعض الإخوة dès qu'on avait fait درس شرح الصدور تحريم رفع القبور للإمام الشوكاني رحمه الله الحمد لله اللي انجستخي نسأل الله سبحانه وتعالى ييسر نشره فيستفاد منه والله إلى سقط المقدمة عظيمة عظيمة يتمونت le خلاف et lui il a bâti sa مقدمة sur le خلاف qui a sur رفع القبور. Il n'y a pas de khilaf. C'est unanime que c'est haram d'élever une tombe. Lakin il y a imam min al-Zaydiya, il avait dit yajouz. Al-imam Shoukani, il a cité des qawaïd pour montrer que tu n'as pas le droit de prendre ce kalam. Walaou c'est un savant, walaou kada, tu dois revenir kitab wa sunnah. Min qawlih qal, naqalna minhu shay basit. Qala wa bihada, yataqarrar lak, anna laysa li ahad min al-ulama al-mukhtalifin ou min al-tabi'in lahum wal-muqtadin bihim, an yaqul. الحق ما قاله فلان دون فلان سا لا يجوز الإمام الشوكاني سي ان خلاف entre علماء يتمونتر on n'a pas le droit de dire le حق il est avec شيخ فلان et il n'est pas avec شيخ فلان أو il est avec lui et il n'est pas avec lui t'as pas le droit هذا لماذا قال قال بل واجب عليه إن كان ممن له فهم ولا وعلم وتمييز نعم si la personne il a un عقل il comprend il a un minimum de علم qu'est-ce qu'il doit faire قال أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيسا الواجب فتطلوا نناقش في الباطل مثلا واحد يقول لا pourquoi tu dis ça الشيخ فلان الذي واحد يقول لا الشيخ فلان يا جماعة المسألة بالعلم si tu dis الشيخ فلان الذي tu dois appuyer son كلام avec أدلة فالعالم يستدل له لا يستدل به كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم sa parole c'est pas un دليل لا Là, on utilise les dalils pour appuyer le kalam de l'alam. Maintenant, on dit, Cheikh Fulan, il a dit ça, c'est haram, l'intiqabal, parce qu'il y a kada, kada, kada, kada. Taïb. Mais la dalil, là, Cheikh Fulan l'a dit, pourquoi? Non, cherche pas à savoir. Arrête, t'aimes pas Cheikh. T'aimes pas la sunnah. Wa'adunnas, ils vont loin. Ils commencent à dire, ouais, mais t'aimes pas l'ulama, t'aimes pas kada. Taqillah. Taqillah, otlob l'ilm. Otlob l'ilm, c'est ton djahl qui te fait du mal, faqat. Wa. Ces qawaïd vous serviront jiddan fi kathir min al-masa'il. Al-an, بعض الناس fi al-jam'iyyat, fi al-suwar, ils ont ces choubouhab. Cheikh Fulan, il a dit. Tous les adillah, fi al-suwar. Prophète sallam, il a interdit. Comme min al-ulama, ils ont interdit suwar mutlaqan. Vidéo, pas vidéo, da'wa, pas da'wa. Ils les ont interdit avec tous les adillah. Tu le trouves tout ça. Il dit, ouais, mais Cheikh Fulan, il a dit. Et nous, on dit, Cheikh Fulan, il a dit, comment on fait? Comment on fait? On tombe dans le niqash, le batil. Allah al-musta'an. Le problème il vient de al-jahl. Wallah les gens ils seront à la ilm. Même tu khalif avec un frère, si vous êtes à la ilm, wallah ça va tout seul. Il emmène ses arguments, t'emmène tes arguments. Bi hikma, rift, avec douceur. On est des frères. Pardonnez, je ne sais pas pourquoi il s'énerve. L'air, il ne t'énerve pas. Tranquillement, emmène ce que t'as et j'emmène ce que j'ai. Adela, et on revient au haq. Et surtout, on met le hawa de côté. J'essaye pas de prendre le dessus, tu prends pas le dessus. Ce qu'on veut, c'est sunna qui prend le dessus. Voilà. Si on applique hada, ya jama'a, on sera à ala khayr. Amma fatawa ahl al-ilm, on a cité Kadir. On avait mis un chapitre fatawa ahl al-ilm, lakin on les a cité kalam Sheikh Mohamed Aman, kalam Sheikh Rabi', kalam Sheikh Muqbil, kathiran. Kalam Sheikh Yahya fil mabadi al-mufida, kathir min al-ulama, ils ont harram al-intikhabat mutfaqan. L'imam Muqbil ibn Hadi, rahimahullah, il a en une phrase, il a résumé, il a dit al-intikhabat iblisiyya, intaha. Sahih, ça vient d'Iblis. Ça vient pas du Coran ou du Sunna. Wallahi, ça vient d'Iblis. بقي une mas'ala wa nakhtim biha. قد يقول قائل فما البديل او ما الحل. الان on est convaincu, tu as réussi à nous convaincre bi kalam ahl al-ilm bil adilla, c'est haram. Alan, c'est quoi la solution? قال الامام المحدث الشيخ الالباني عليه رحمه الله قال كلمه سهله. الشيخ الالباني هذا كذا il a dit c'est simple. قال البديل قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. C'est ça ta solution. Crains Allah, Allah il te donnera une issue. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de te faciliter ton deal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'humilier les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de propager sunnah. Fa taqillah, t'auras une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Lakin deux choses pour هذا. كما قال الإمام الألباني قال وَلَا شَكَ أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ تَتَطَلَّبْ أَمْرَيْنِ. Deux choses. الأول العلم. علما نافعا. لأن tu ne pourras pas craindre Allah avec le jahl. Tu vas faire des choses, tu vas croire que c'est sunnah, c'est une bid'ah. Wa hakada. Fala bud min al-ilm. La deuxième chose, al-amal salih. T'appliques ce ilm. Si tu fais ces deux choses, bi-idnillah, avec une bonne niya, tu seras min al-muttaqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. Dans tout tes problèmes, tu auras une issue. Wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Wa la shakka anna al-intikhabat, c'est pas min al-taqwa. Wallahi, c'est min al-fasad. Min al-fasad fil ard. Al-khatima. وختم الدرس كما قدم ان الدين الكامل اي لا بيرسون اي دو ريفينير ا السلف الصالح pour comprendre son din. قال الامام مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. نعم. Est-ce que السلف الصالح les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont réussi à propager l'islam il a akhiré avec la démocratie et les élections? Abadan. فنحن, si eux ils ont réussi, si on veut réussir, on fait comme eux. Amma, on invente des choses, on se fera du mal. On donne l'intikhab. Entre nous, on n'est pas d'accord. Un musulman il dit yajouz, l'autre il dit pas yajouz. Comment on va réussir à propager quelque chose? On n'est pas d'accord. Lui il va dire na'am, moi je veux dire la. Enfin, on est tous d'accord, on revient tous à salaf salih. Ils n'avaient pas d'intikhab, alhamdulillah. Et vous verrez que bi'idnillah ça avancera. Wa qala al-imam al-awza'i rahimahullah qala isbir nafsaka ala sunnah وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذه نصائح أئمة الإمام الأوزاعي عالم الشام في عصره من أئمة السلف. قال اصبر نفسك على السنة باسيونت في السنة راجوت با كما قال وقف حيث وقف القوم. Aïe, as-salaf salih, ils n'ont pas fait une chose, arrête-toi. Si tu veux le khayr, ils l'ont fait. Wa nakhtim na'am bi nasihat al-allama al-imam Rabi' ibn Hadi, waffaqahu Allah, qal, il a des kalam tayyib. Kalam tayyib fi hadha sha'n, fi al-demokratiya, fi al-intikhabat. Khasatan une nasiha, il a fait nida. C'est un nida, un appel. L'umma al-islamiya, il l'a fait il y a des années. والله لو الناس يزوري سويفي النصيحة حكام ومحكومين والله يزوري على خير. après cette نصيحة quelques années après il y a eu الفوضى في بلاد العرب. نداء الأمة أو نداء للأمة الإسلامية. قال فيا أيها المسلمون لا يخدعنكم بريق الديمقراطية لأنها لا تعترف إلا بحقوق الإنسان المزيفة. لابد نحن نكون هذا لا تغتر élection, tout ça c'est basé sur la démocratie. La démocratie, la ta'tarif illa bi huquq al-insan. Et c'est eux qui les ont inventés, les droits de l'homme. ولا تعترف بحقوق الله عز وجل وحقوق المؤمنين إلى حقوق الشريعة نزامتها أبدا بل تحاربها فلفت دغنت خلال السيستم تدفع جمال فقط قال ولا تعترف بحقوق الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ليعبد ربه ويشكره لا ديمقراطية لا تعترف بهذا une chose qui contredit la démocratie comme vous savez ça passe pas عندهم. Le kuffar, ils ont une qaïda, touche à tout, t'es libre, ce que tu veux, mais touche pas à la démocratie. Hada عندهم. Fakaïfa anta, avec ta sunnah, avec ton iman, avec le Coran, tu rentres dans ce système, la shak va te harb. Wa ma yattaqillah yaj'al lahum makhraja. Nous on ne dit pas ça, khawfan ila al-kuffar, ou annahum ils ont le quwa, abadan. La. La. Al-kuffar yuharabun bil jihad, al-shar'i, ou al-ilm. C'est hakada. Amma, on rentre dans leur système et on veut le harab avec leur système, tu vas te faire du mal. Falihada, vous remarquerez que celui qui rentre dans le système, c'est lui qui change. Celui qui change. Qala, wa qal, thumma qal, wa manahahu, ay Allah subhanahu wa ta'ala, an'ama ala al-insan, bil-aql, wa sam'u wal-basar, liya'rif huquqa rabbihi, allati shara'aha, وفرضها عليه ووعده إن هو قام بها جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سيسا أنت المهم الله سبحانه وتعالى يتدني عقل يتدني لفو يتدني لوي يتدني الإيمان ستابلك Tu fais les ordres autant que tu peux, tu t'écartes des interdits. Bi'idnillah, Allah t'a promis al-jannah. C'est ça, c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Hadi dunya sbir. Esbir, fais ton din, essaie d'avancer, ta'allam, et amma, tu veux tout changer, hakada il akhiri, et tu fais des choses, ghayr mashru'a, pour changer les choses, fahada la yajouzak. Un tal essentiel, travaille pour l'akhira. Amma, c'est te donner à les a'ila. Faniya. Qala, wa tawa'adahu, ay, man khalafa dhalik, bin nar, allati u'iddat lil kafirin, wa quduha annas wal hidar. انتهى نحن نختم هذا أن الإنسان لا ينسى الآخرة لا ينسى الآخرة والله استنتخابات تحقق بالآخرة أبدا تحقق تحقق بإذن الله يوم القيامة من الفائزين réussir يوم القيامة applique ton din tu pourras pas appliquer ton din إلا avec deux choses comme il nous a montré Cheikh Al-Albani العلم النافع الكتاب والسنة على فهم السلف العمل الصالح أي une bonne niya Et t'appliques ce ilm. Bi'idnillah, tu seras à l'akhir. Le hakim, ça soit foulan, pas foulan, il est à l'akhir. Wallahi, ça ne changera rien. Bi'idnillah, tu seras à l'akhir. Amma, tu votes, le hakim, c'est foulan. Et toi, tu as des ma'asi, yom qiyama, le hakim, il ne te sera d'aucune utilité. Hada. Al-Masadir, celui qui veut étudier plus le sujet. نحن نختصر يا جماعة أما السجاي يدمونت أكثر لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل البركة المصادر لغفرانس celui qui veut approfondir le sujet الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية لأخينا الشيخ حسن الريمي وفقه الله une grosse partie du livre c'est sur les élections كذلك حقيقة الشورى للعلامة الإمام محمد أمان الجامي qui te montre c'est quoi la shura et la consultation comme on a vu avec Uthman et l'akhiré et il compare avec la démocratie et les élections et il te montre que ça n'a rien à voir c'est un kitab azim كذلك كتاب حقيقة الديمقراطية كذلك للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أي دي زود بحود دي رسائل طلبة العلم كثيرة لكن celui qui veut approfondir le sujet si il étudie ses livres إن شاء الله il sera على خير نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين ونسأله عز وجل السداد والتوفيق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين